Écoutez-nous en direct partout sur la planète net au cfou.ca. Alors, on vient tout juste d'entendre un trio d'Émilie. Donc, pour ce bloc-là, il y avait trois chanteuses. J'ai dit au début de l'émission que c'était un bloc franco. Alors, vous avez bien cru remarquer que la dernière chanson n'était pas en français, mais bien en anglais. Alors, on vient tout juste d'entendre Émilie Haynes avec la pièce Or L de l'album Knives Don't Have Your Back. Émilie Haynes, qui est en fait la chanteuse du groupe canadien Metric, pour ceux qui connaissent, qui est un excellent groupe. Et tout juste avant, on a entendu Émilie Proulx, qui est originaire de Montréal, avec la pièce Que passent les heures de son album Dans une ville endormie. En fait, plutôt son EP, non, son EP, EP qu'on dit Extended Play et non pas un album. Et on a débuté le bloc avec Émilie Loiseau, qui est originaire de la France, avec la pièce L'autre bout du monde de son album du même nom. Alors, c'était ça pour le petit bloc des Émilie. On va enchaîner tout de suite avec un bloc franco-québécois. Et nous allons débuter à l'instant avec Navet Confit sur les ondes de CIFU 89.1 FM, la radio campus de l'Université de Trois-Rivières. Thank you. aujourd'hui l'ennui est léger, comme les travaux ménagers. Il faudra me nettoyer, il faudra me réparer. Plutôt ce matin, j'ai écrit dans un calepin toutes les choses indigestes, pour ne plus qu'il en reste. Et quand la nuit venue, je deviens congru, comme les constellations décidées par millions. Je vais l'hypnotiser et me réaligner. On vient tout juste d'entendre Francis Roberge avec la pièce « Âme sœur ». Francis Roberge, de qui on attend toujours un album et qu'on aime bien découvrir. Il sera en spectacle le 16 novembre à l'Escogriffe à Montréal pour les spectacles, en fait, de la programmation de Coup de cœur francophone. Tout juste avant, on avait Alexandre Champigny avec la pièce « Je vais m'hypnotiser » de l'album « Bouddha Ciné Roll ». Et cet album est sorti en 2007 sous l'étiquette Audiogramme. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de l'entendre. Moi, c'est la première pièce que j'écoute d'Alexandre Champigny. Je vais essayer d'en écouter d'autres pour voir de quoi ça a l'air, cet album-là. Et on a débuté le bloc avec Navet Confit de l'album LP2 avec le titre de la chanson qui s'appelle « Tes bottes sont comme des tigres qui mangent tes jambes ». Alors, c'est très, très original. Et Navet Confit qui est en spectacle le 9 novembre au Quai des Brumes et le lendemain, le 10 novembre, au Divan Orange. Donc, s'il y en a qui ont la chance d'aller voir Navet Confit, j'imagine que ça va être un très bon spectacle et nous allons enchaîner à l'instant avec un bloc électro-anglophone parce qu'on aime se gâter les oreilles avec de l'électro à chaque émission de Chéri Mikoutsu. Et je vous rappelle que vous pouvez consulter les pièces et les chansons qui ont passé à l'émission sur le MySpace de l'émission C'est fou au myspace.com/C'est fou Chéri sans les accents. Donc on va débuter à l'instant avec le bloc électro, tout d'abord avec la formation britannique Ladies Run. Yesterday, wrong direction, the traffic won't know. The traffic is slow, thoughtless, the wheel it is still. On the concrete and green, away home, and it is alone. A division unknown, a split decision, climbing the floors, and I'm not running through revolving doors. Cause you're wrong, wanna be your nightmare. Alors, dans ce bloc électro teinté parfois de pop, de rock, de trash, même avec la dernière pièce qu'on vient tout juste d'entendre, Crystal Castles, le duo torontois formé de Ethan K et Alice Glass. Donc, cette formation qui fait dans l'électro, comme je vous dis, mais qui se définit également comme un groupe trash, comme vous avez pu voir là, avec les ambiances un peu distorsionnées, qu'on pourrait dire. Juste avant, on avait Lady Hawk avec la pièce magique de l'album éponyme de cet artiste qui vient de la Nouvelle-Zélande, avec un album à paraître le 18 novembre prochain, donc dans 3 semaines, on aura droit à cet album-là. Et au début du bloc, on avait la formation britannique Lady Tron de l'album Witching Hour, la pièce The Last One Standing. Lady Tron qui a sorti un album récemment, malheureusement le nom m'échappe, mais vous pouvez consulter toutes les informations sur leur MySpace. Et on va poursuivre avec une publicité à l'instant. Et au retour, on va se retrouver avec un bloc francophone avec quelques formations comme entre autres le duo Orange Orange, le groupe Métagruo et l'autre groupe toujours québécois qui s'appelle Jacques Mort. Donc c'est ce qu'on va entendre tout de suite après la courte pause publicitaire sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Écoutez-nous en direct partout sur la planète net au cfou.ca. Contre le nez, et je pleure. Puis je pense aux enfants du tiers-monde, et je pleure. Qui vont naître contre leur gré, et je pleure. J'imagine une fleur sur la tombe, et je pleure. D'un soldat qu'on a égaré, et je pleure. Sous les cadavres et les décombres, et je pleure. De tout mon cœur, et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager, et je pleure. J'achète une télévision, et je pleure. Je me touche pour un téléthon, et je pleure. Je compose de tristes chansons, et je pleure. De tout mon cœur, et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager, et je pleure pour l'humanité, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. In a brand new dimension, keep my On vient tout juste d'entendre la formation Jacques Mort, autre groupe de l'étiquette Grosse Boîte, avec leur album Dents de lait, c'était la pièce Biscuit chinois. Tout juste avant, on avait le groupe aux saveurs un peu psychédéliques et électro, Métagruo, avec leur album, ou plutôt leur démo, du même nom que la pièce qui s'appelle Tibia Sauvignon. Donc, si vous avez aimé, Métagruo est en spectacle le 27 novembre à Sherbrooke au Téléphone Rouge. Et Métagruo est présentement en studio, donc probablement qu'on aura un album vrai de vrai qui va sortir bientôt. Et on a débuté le bloc avec le duo Orange Orange avec la pièce Et je pleure. Ce duo-là n'a pas encore d'album, mais on imagine qu'ils vont en sortir un bientôt. Et eux aussi sont en spectacle, si vous avez apprécié, le 1er novembre au Cabaret Juste pour rire de Montréal pour un party d'Halloween. Et le 13 novembre au Divan Orange pour la programmation des coups de cœur francophones. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Orange Orange. J'ai hâte de voir... Oui, je répète, beaucoup, beaucoup, Orange, Orange. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je trouve que c'est de la pop rafraîchissante, donc ça nous met de bonne humeur. Et l'émission va se terminer bientôt. Il nous reste que 10 minutes. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Chérie m'écoute-tu. La semaine prochaine, je serai de retour lundi de 6h à 19h, donc comme à l'habitude. Et restez à l'écoute parce que tout de suite après l'émission, il y aura l'émission Le Voyage insolite avec Frédéric Durand. Et c'est Sophie Laforêt qui vous dit bonne fin de soirée sur les ondes de CIFOU 89.1. Et je vous rappelle que vous pouvez consulter les pièces qui ont joué ce soir à l'émission sur le MySpace de l'émission au myspace.com/CIFOUCHERIE, CIFOUCHERIE. Et je vous laisse avec deux dernières pièces de groupe montréalais. On va écouter à l'instant la formation Bonjour Brumaire avec une pièce de leur album La Nature des Foules qui s'appelle Prunelle. Et en même temps, je voulais vous dire que Bonjour Brumaire va être en spectacle à Trois-Rivières au Nord-Ouest Café le 13 novembre. Donc, inscrivez ça à votre agenda. Je suis sûre que ça va être très, très bon. Et la dernière pièce qu'on va entendre tout de suite après Bonjour Brumaire, ça va être la formation Pas Chic Chic de leur album Au Contraire avec la pièce Aider Morcelé. Alors, c'est Sophie Laforêt qui vous dit bonne fin de soirée sur les ondes de CIFOU 89.1 FM. Assis là sur ce banc, à scruter les pigeons qui se vantent. Les boulevards sont bloqués par le gel, les amours effacés par le sel, ni les cheveux blancs, ni le ciel. Rien ne disparaît, tout se transforme, rien ne disparaît, tout se transforme. jure de ses gestes. Lentement, échappé. Ses jambes.